Bien, le mot pour dire ne pas. Non, attendez, revenons à je. Je en allemand se dit Ich. ich. Bien, ich, ça s'écrit ich. Ich. Si vous ajoutez un n devant ich, ça donne Nicht. nicht. Nicht. À vous de le dire, nicht. Nicht. Et maintenant, ajoutez un T à nicht. Vous obtenez Nicht. nicht. Nicht. Ça veut dire ne pas. Nicht. Ne pas. Le mot pour maintenant est jetzt. Jetzt. Qui s'écrit J-E-T-Z-T. Jetzt. Le J se prononce Y. Comme dans le mot paillette. Jetzt. Tenez d'ailleurs, gardez la fin du mot paillette, yet, et ajoutez-y le son st, comme dans stop. Donc, yet, puis st, de stop. Ça donne jetzt. Jetzt. Alors, à vous. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Oui, alors, encore une fois. Jetzt. C'est ça. Jetzt. À vous. Comment dit-on maintenant? Maintenant, la fête est finie. Pas jetzt stop. Jetzt. Très bien. Jetzt. Jetzt. Ça s'écrit J-E-T-Z-T. Le J se prononce J. Jetzt. Et comment diriez-vous pas maintenant? Nicht jetzt. Nicht jetzt. Bien. À vous. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Et comment diriez-vous je veux? Je veux une villa. Ich will. Ich will. Bien. Je veux. Ich will. Et je veux voir cela. Je veux le voir. Ich will es sehen. C'est ça. Ich will es sehen. Mais se dit aber. Aber. Un petit mot de quatre lettres comme en français. Ça s'écrit A-B-E-R. Aber. À vous. Comment dit-on mais? Aber. Aber. Aber. Bien. Aber, c'est mais. Et maintenant, comment direz-vous au sujet de quelque chose « Je veux le voir, mais pas maintenant. » Ich will es sehen, aber nicht jetzt. Ich will es sehen, aber nicht jetzt. Et comment diriez-vous « Pouvez-vous voir cela? Pouvez-vous le voir? » Können Sie sehen? Ça, c'est « pouvez-vous voir ?» Mais « pouvez-vous voir cela ?» « Pouvez-vous le voir ?» Ça sera... Können Sie es sehen ? Bien. Können Sie es sehen ? Et « je peux le voir » se dit ? Ich könne... En fait, « je peux » se dit « ich kann ». « Ich kann ». Ça s'écrit « k-a-2-n ». « Ich kann ». Voilà à nouveau notre vieux grand-père qui nous dit « Avec ma canne, je peux marcher. » Donc, « je peux ?»« Ich kann. » Oui, bien, « ich kann. » Vous aviez raison, normalement avec « je », on enlève simplement le « n » à la fin du verbe à l'infinitif. Mais voilà, dans certains cas, on trouve des verbes que j'appelle des « porte-manteaux ». Ce sont des verbes un petit peu particuliers. C'est le cas de « ich kann », mais aussi de « ich will ». Ce sont des verbes qui ne viennent pas tout seuls. Ils sont généralement suivis d'un autre verbe en fin de phrase. Ich kann. Ainsi, je ne peux pas le voir, je ne peux pas voir ça, se dit... Ich kann nicht sehen. Le voir. Ich kann nicht es sehen. Ich kann nicht es sehen. Là, en fait, vous mettez l'accent sur nicht, ne pas. Normalement, « es » vient avant « nicht ». Donc, je ne peux pas le voir, ça donne Ich kann es nicht sehen. Avec nicht qui nie sehen et vient donc se placer devant sehen. Ich kann es nicht sehen. Comment diriez-vous je ne peux pas vous voir? Vous se dit Sie. Sie. S majuscule IE. Oui. Sie. Donc, je ne peux pas vous voir, ça sera Ich kann. Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen. Faites bien entendre le T. Ich kann sie nicht sehen. C'est ça. Là, on entend le T. Ich kann sie nicht sehen.